Oui, ce n'est pas pour rien que la très très démocratique république s'appelle la très très démocratique république. La démocratie y est solidement ancrée et dans les têtes et dans les institutions, plus solidement ancrée que partout ailleurs. Tous les Gondouanais et le monde entier avec eux savent qu'au Gondwana, les élections et l'ensemble du processus électoral sont une manifestation de cette culture démocratique, une preuve d'indépendance et de souveraineté. C'est pour cette raison que nous ne supportons aucune ingérence extérieure dans la gestion de notre très très démocratique démocratie. Personne n'a le droit de venir nous dire de faire ci ou de renoncer à ça. Nous sommes chez nous, nous faisons ce que bon nous semble. Bon, d'accord, pour ne pas vexer nos partenaires de toujours, nous acceptons qu'ils financent notre processus électoral à coups de dizaines de millions d'euros, mais c'est uniquement pour leur faire plaisir. Comme lorsqu'un ami te trouve au bord de la route, tu n'as pas de voiture, t'es hyper chargé, tes enfants pleurent, ta femme se demande quel est ce mari que le sort lui a donné, le soleil cogne dur. Et alors, il y a cet ami qui te propose de vous transporter, toi et ta famille, dans sa jolie voiture climatisée. Ben, tu dis oui, mais c'est juste pour lui faire plaisir à cet ami, pour ne pas qu'il se vexe. Eh ben, l'aide de la communauté internationale pour l'organisation de nos scrutins électoraux, c'est pareil. Si nous acceptons l'assistance électorale, technique et matérielle, c'est parce que nous sommes bien élevés. Nous ne voulons pas vexer inutilement la communauté internationale. On nous propose de nous financer l'impression des bulletins, l'achat des urnes, les campagnes d'éducation civique et d'information des électeurs, les programmes de sensibilisation, le développement des capacités et l'assistance technique des groupes d'observateurs nationaux, l'équipement et la prise en charge complète du budget de la commission électorale très très indépendante. Ben nous on dit oui parce qu'on est bien élevé. On nous propose l'envoi d'observateurs internationaux pour légitimer nos élections aux yeux du monde entier et pour qu'on puisse continuer à nous proposer de l'aide plus tard. Ben on dit oui pour ne pas vexer. Mais attention, il ne faut pas penser que juste parce qu'on fait plaisir aux gens qui nous aident, eh ben ces gens-là vont nous imposer des choses. Ah ça non, hein. S'ils décident de ne plus nous proposer leur aide parce qu'il y a un truc qui leur plaît pas, eh ben c'est simple, on s'en passera sans problème, on fera nos élections sans eux, c'est-à-dire qu'on arrêtera de faire des élections et puis c'est tout. Parce que nous, on est indépendants et souverains, hein.